Chapitre 18. L'interdiction des inventions et des innovations dans la religion. Allah Ta'ala dit: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Sourate 10, verset 32. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Sourate 6, verset 38. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate 6, verset 153. Dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est clément et miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. Quant aux traditions prophétiques, elles sont très nombreuses et bien connues également. Nous nous contenterons d'en citer certaines. 169. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version de Muslim, quiconque accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre religion verra son acte rejeté. 170. Jabir radhiyallahu anhu rapporte: lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous faisait un prêche, ses yeux devenaient rouges. Il élevait la voix et laissait paraître sa colère, comme s'il nous avertissait de l'arrivée d'une armée ennemie prête à nous attaquer à l'aube ou le soir. Il alayhi salatu wassalam disait: mon avènement et celui de l'heure sont aussi proches que ses deux doigts. Et il joignait l'index au majeur. Il disait aussi: la meilleure parole est celle du livre d'Allah et la meilleure voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses en religion est l'invention et toute innovation religieuse est un égarement. Puis il ajoutait: j'ai plus d'obligations envers chaque croyant qu'il n'en a envers lui-même. En effet, celui qui meurt et laisse des biens, ceux-ci reviennent à ses héritiers. Et celui qui meurt et laisse une dette ou des enfants en bas âge, alors ceci m'incombe. Muslim. On peut citer ici le hadith numéro 16, rapporté par Al-Irbad ibn Sariyah, mentionné dans le chapitre sur l'ordre de préserver la sunnah.